Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grandes articulations de cette édition. La Commission nationale de dialogue interne pourrait étendre ses consultations sur les collines, dans les camps de réfugiés et même à la diaspora, si le temps le permet et si son mandat est renouvelé. C'est ce qu'a dit le président de cette commission hier à Kirundo, à l'occasion de la clôture de ce dialogue au niveau des communes. Le président du Sénat annonce le recrutement et le paiement des enseignants par les communes. C'est en tout cas une recommandation faite par Réverien Dicourillo à l'endroit des gouverneurs et des administrateurs qu'il a rencontrés ce vendredi à Guitéga. Et la ministre de la Santé a été désagréablement surprise de constater que le nouveau laboratoire public qu'elle venait d'inaugurer ce samedi à Rumonge n'avait pas de nouveaux équipements alors que l'argent pour les acheter a été décaissé depuis longtemps. Notre correspondant nous en donnera des détails. Et un technicien vétérinaire du nom de Chima et Christophe se trouve au cachot de la commune Bouguenyouzi depuis ce jeudi avec un agent de santé communautaire. Ces personnes sont curieusement poursuivies pour avoir décidé d'enterrer une vache morte pour éviter que des personnes consomment de la viande périmée. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonsoir, ce journal est mis en onde par Albert Ndouaïou. Si le temps le permet ou en cas de renouvellement du mandat, la Commission nationale du dialogue interne pourra procéder à l'étape de la consultation sur les collines, dans les camps de réfugiés et même à la diaspora burundaise. Tels sont les propos de Mgr Justin Zoïsava. C'est le président de cette commission, c'était ce vendredi à Kirundo, à l'occasion de la clôture du dialogue au niveau des communes. Suivez Mgr Justin Zoïsava, il était au micro d'Alain Désiré au Cayenez. Nous sommes satisfaits parce qu'on a suivi le programme. Jusqu'à présent, nous sommes satisfaits. L'étape suivante, c'est de donner le rapport. Si on donne un autre temps, bien si on renouvelle le mandat, on va continuer. Vous allez continuer vers quelle étape? L'étape suivante peut être collinaire, vers les collines et à la diaspora burundaise, à l'étranger et dans les camps de réfugiés. Voilà, c'était Mgr Justin Zoïsava, le président de la Commission nationale de dialogue interne. 11 kg de chanvre ont été saisis par la police dans l'après-midi de ce vendredi au quartier Gitouro de la zone urbaine de Kamenge. Le trafiquant les avait emballés dans des sachets comme des marchandises. Il a immédiatement été arrêté, comme le confirme le porte-parole de la police. Pierre Nourikiye fait savoir que ce commerce illicite devient monnaie courante dans certains quartiers périphériques, surtout qu'une autre quantité de chanvre avait été saisie il y a quelques jours dans la même zone. Il dit que la police va redoubler d'efforts pour traquer ces trafiquants. Et les communes ne devraient penser à recruter et payer elles-mêmes les enseignants. C'est en tout cas la recommandation formulée par le président du Sénat à Guitéga dans une rencontre ce vendredi avec les gouverneurs de province et les administrateurs communaux. Réverien Dicourillo a dit que ceux qui voudraient changer de lieu d'affectation devraient d'abord démissionner avant de demander du travail ailleurs. Les détails avec notre correspondant Arthur Kavabouchi. Selon le président du Sénat, les communes devraient commencer à embaucher et payer les enseignants. Il a fait savoir que cela va aider à diminuer le personnel enseignant qui veut toujours aller travailler à Bujumbura alors qu'il y a des communes qui sont en manque d'enseignants. Il a indiqué que cette mesure va aider étant donné que les administrateurs savent là où il y a moins d'enseignants afin de les y envoyer. Pour ceux qui voudront changer de lieu d'affectation, Réverien Dicourillo a souligné qu'ils devront d'abord déposer leur démission et ils iront demander de nouveau du travail dans la commune de leur choix. Pour ce qui est du manque de manuel pour le poste fondamental, le président du Sénat a dit qu'ils vont faire comme ils le font souvent dans les travaux communautaires, en donnant des sacs de ciment ou de tôle, et que désormais ils vont donner des livres dans différentes écoles, et ce dans le but d'appuyer le gouvernement, car l'école fondamentale est un programme national. Quant à Jean-Pierre Ndiliahisha, ministre ayant l'éducation dans ses attributions, le ministère va ouvrir un compte bancaire pour appuyer le programme de l'école fondamentale et que ce compte sera géré en toute transparence et qu'au niveau du ministère, ils ont constaté que l'école fondamentale exige beaucoup de moyens et il a demandé à tout Burundais de contribuer via ce compte qui leur sera bientôt communiqué et que ce compte va aider dans l'équipement des écoles fondamentales. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganilo. Merci Arthur. Je vous l'avais dit, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a inauguré ce samedi un nouveau laboratoire public de Rumonge. Dr Josiane Nijimbere regrette cependant que cette infrastructure ne soit pas encore équipée alors que les fonds y relatifs sont déjà décaissés. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Dans certaines salles de ce laboratoire qui serait construit sur un montant d'environ 800 millions de francs burundais, selon le médecin directeur de l'hôpital public de Rumonge, l'équipement est celui de l'ancien laboratoire. Dans d'autres salles, il n'y a rien. Docteur Josiane Nijimbere, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, l'a ainsi constaté après la coupure du ruban, signe que cette infrastructure était officiellement inaugurée. Pour le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, c'est inconcevable qu'un personnel soit formé pour utiliser du matériel qui n'existait pas, alors que le gouvernement burundais a décaissé depuis plus d'une année les fonds nécessaires à équiper ce laboratoire. Des explications que le médecin directeur de l'hôpital public de Rumonge et certains membres de l'équipe qui avaient accompagné le ministre de la Santé à Rumonge n'ont pas convaincu au ministre qui réclamait toujours la présence de son directeur chargé des infrastructures qui avait cette mission, un directeur pourtant absent à Rumonge. Contrairement à ce que l'on avait l'habitude de voir, ce laboratoire dispose d'une latrine pour les personnes vivant avec handicap. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. De Rumonge, nous nous rendons à Karuzi, où un technicien vétérinaire du nom de Chimaï Christophe se trouve au cachot de la commune Bougenyuzi depuis ce jeudi avec un agent de santé communautaire de l'une des collines de cette commune. Leur famille et le personnel de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Karuzi n'en reviennent pas et précisent que ces personnes sont curieusement poursuivies pour avoir enterré une vache morte pour éviter que des personnes consomment de la viande périmée. Blaise Pascal Kararoumié pour plus de détails. Le technicien vétérinaire Christophe Nimaye et l'agent de santé communautaire Nizigimana Filibert sont au cachot de police de Bougenyuzi depuis ce jeudi. L'un des familles et le personnel de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage de Karuzi indique que ces personnes sont victimes de leur service et demandent leur libération sans condition. Ces deux personnes sont appréhendées pour avoir refusé la vente de la viande qu'ils ont jugée détériorée en date du 17 de ce mois d'octobre. Selon le rapport d'autopsie qu'ils ont produit en collaboration avec Nationaïgiz et Abbas, le représentant des commerçants de la commune Bougenyuzi, cette viande présentait une odeur puante, une mauvaise saignée et une couleur noirâtre, et quelques organes comme la tête, la peau et la rate manquaient déjà. Un jour après, le responsable provincial de l'élevage a produit un rapport qu'il a qualifié de contre-expertise, autorisant la vente et la consommation de cette viande. Cependant, Simon Lissabra confirme que certains organes manquaient encore. Il explique que cette vache était morte à la maison suite à la fracture de la colonne vertébrale, ce qui étonne beaucoup de gens qui signalent qu'il n'a pas été sur place à la colline Mugoboka. C'est ainsi que le commerçant propriétaire de cette vache, qu'il venait d'acheter morte, comme l'indiquent les habitants sur place, a demandé que le technicien vétérinaire lui donne une somme de 700 000 francs pour cette vache. Après que la population ait refusé d'acheter cette viande malgré ce rapport de contre-expertise du responsable provincial de l'élevage, le directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage a par suite décidé l'enterrement de cette vache. Le procureur de la République à Karuzi nous a indiqué que ces personnes font objet d'enquête. Depuis Karuzi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. Merci Blaise. Toujours dans les nouvelles de Provence, une peine de servitude pénale de 10 ans a été prononcée ce vendredi par le tribunal de grande instance de Mwaro à l'endroit de trois hommes de la colline Shahana de la commune Rusaka. Nous sommes en province Mwaro et cela pour rébellion, menace d'attentat contre les personnes et lésions corporelles volontaires graves. Deux femmes de la même famille ont écopé d'une peine de servitude pénale pour la même cause de rébellion. Correspondance de Laurent Dicourio. Malheureusement, on a des problèmes techniques. Le technicien Albert me signale que les machines se plantent. Dans ce journal également, les organisations Croix-Rouge Burundi et Action Santé Communautaire ASCO, œuvrant en province Bubanza, appellent la population à utiliser un dispositif appelé « Presse et lave-toi dans le but de la promotion d'Origine demain, les activités de sensibilisation et relatives ont eu lieu ce vendredi à l'école Sainte-Martha de Guihanga. Voilà, on m'a fait signe que maintenant les machines marchent bien. Nous suivons la correspondance de Space Caritas Cabañana pour les détails. Pagnolo Carame est un dispositif installé sur la plupart des écoles pour la promotion de l'hygiène. Il s'agit d'un bidon de 3 ou 5 litres rempli d'eau propre et suspendu à l'aide d'une corde sur un support afin que toutes les personnes puissent se laver les mains en cas de nécessité. C'était la démonstration ce vendredi par la Croix-Rouge Burundi à l'école Sainte-Martha de Guihanga. Les responsables de la Croix-Rouge ont profité de l'occasion pour appeler toute la population à installer ce dispositif dans les ménages et dans tous les lieux publics. C'était à l'occasion également de la journée mondiale du lavage des mains. Il manque cependant de l'eau propre dans différentes localités de cette commune de Guihanga. Et Théophile Ndayisenga, représentant l'association Action Santé Communautaire, recommande aux populations qui utilisent l'eau des rivières et des canaux d'irrigation de bien la bouillir avant l'utilisation. Théophile Ndayisenga déplore également que le monde enregistre 1 700 000 cas de décès d'enfants qui meurent suite aux maladies liées au manque d'hygiène. Merci Space. Les prix des denrées alimentaires augmentent en province Muyinga. Pour les commerçants, c'est la conséquence du retard des pluies ainsi que de la dépréciation de la monnaie burundaise par rapport au shilling tanzanien, d'où sont importés la plupart de produits consommés au Burundi. Dieudonné Zeimana, correspondance. Au marché de Muyinga, les prix des produits alimentaires ont augmenté d'au moins 100 francs en 2 semaines. Le riz dit de la Tanzanie se vend entre 1600 et 2100 francs par kilo. Pour un régime de banane qui s'achetait autour de 4000 francs, c'est 5000 francs. Le kilo de la farine de manioc aussi entre 900 et 1000 francs. La pomme de terre produite localement se vend entre 600 et 800 francs par kilo. Pas de variété, dit le Rengeri, importée de pays voisins. Le haricot varie entre 1100 et 1500 francs par kilo en fonction de la variété. Pour les commerçants, c'est la loi du marché. Moins les denrées sont disponibles, plus elles deviennent chères. Avec la dépréciation de la monnaie burundaise par rapport au shilling tanzanien, d'où est importé le riz, c'est normal que le prix du riz augmente. Pour les produits locaux, les producteurs craignent une disette consécutivement au retard des pluies pour la saison culturelle A et spéculent déjà sur les prix. Jusqu'aujourd'hui, certaines localités de la province manquent de pluie. Sous le soleil, le haricot, le maïs qui ont déjà poussé semblent sécher. Vous saurez que pour faire face aux conséquences des aléas climatiques, un plan de contingence est élaboré chaque année par un comité provincial. La police de protection civile annonce la création de tels comités sur les collines pour que les informations soient bien interprétées jusqu'à la base. Yodene Zeimana, Muyinga Radio, Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Sport pour terminer ce journal et avant la revue de presse, procéder au remplacement de certains membres du comité exécutif de la Fédération d'athlétisme du Burundi était l'un des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale tenue ce samedi. Le président de la dite fédération a indiqué à la presse que ça a été une occasion pour remercier les parents des athlètes Francine Niyonsaba et Antoine Gakeme, récemment rentrés des compétitions internationales où ils ont décroché des médailles. Suivez plutôt Dieudonné Kwizera au micro d'Evariste Nzikobanyanga. C'était pour approuver le calendrier de 2017, mais aussi pour remplacer les places qui étaient vacantes au sein du comité exécutif. Pour des raisons de certains individus qui faisaient partie du comité exécutif, ont quitté le pays, soit pour travailler ou alors pour d'autres raisons diverses. Mais aussi, c'était une façon de remercier nos sponsors pour les présenter aussi et les médaillés. Comme vous savez, l'an 2016 a été caractérisé par deux grandes victoires pour notre fédération et pour notre pays, à savoir deux médailles lors des championnats du monde en salle de Portland, la médaille d'or de Francine Niyonsaba et la médaille d'argent de Gakeme Antoine. Mais aussi, c'était une occasion de remercier les parents de Francine Niyonsaba et de Gakeme Antoine. C'était une façon de les remercier, de leur donner une petite enveloppe pour aussi encourager d'autres parents qui ont des jeunes talentueux dans divers sports. L'on s'achemine vers 2017-2018, des années de compétition internationale. Où est-ce que vous en êtes avec la détection des talents qui vont représenter le Burundi? Comme vous le savez, nous avons déjà commencé des compétitions au niveau provincial par la province de Moaro. La province de Moaro a regroupé toutes les communes et toutes les écoles de Moaro, ainsi que les communes environnantes comme les communes de Gitega et les communes de Bourouille, dans le but de détecter les talents. Parce qu'on se dit que dans des provinces, dans des communes, dans des zones, dans des écoles, il y a des talents qui se cachent. La fois prochaine, le 13 de ce mois, Gitega va réunir toutes les communes et les écoles, ainsi que d'autres athlètes de la sous-région, enfin des provinces environnantes, dans l'objectif d'essayer de chercher d'autres Francines à jeune âge et de les encadrer pour qu'ils deviennent des champions et des championnes dans l'avenir. C'est l'ancien athlète international Dieudonné Kwizera, c'est le président de la Fédération d'athlétisme du Burundi au micro d'Évariste Nziko Banyanga. Et c'est par cette interview que nous renfermons ce journal. En vous rappelant que la Commission nationale de dialogue interne pourrait étendre ses consultations sur les collines, dans les camps de réfugiés et même à la diaspora, si le temps le permet et si son mandat est renouvelé. C'est ce qu'a dit le président de cette commission hier à Kirundo, à l'occasion de la clôture de ce dialogue au niveau des communes. Et le président du Sénat annonce le recrutement et le paiement des enseignants par les communes. C'est en tout cas une recommandation faite par Révérien Dicourio à l'endroit des gouverneurs et des administrateurs qu'il a rencontrés ce vendredi. À Gitega, et la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a été désagréablement surprise de constater que le nouveau laboratoire public qu'elle venait d'inaugurer à Rumonge ce samedi n'avait pas de nouveaux équipements alors que l'argent pour les acheter a été décaissé depuis longtemps. Et un technicien vétérinaire du nom de Chimaï Christophe se trouve au cachot de la commune Bouguenyouzi depuis ce jeudi avec un agent de santé communautaire. Ces personnes sont curieusement poursuivies pour avoir décidé d'enterrer une vache morte pour éviter que des personnes consomment de la viande périmée. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal, mis en onde par Albert Ndouayo, à qui je dis merci. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, place maintenant à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Vous avez intérêt à avoir sur vous votre certificat de mariage quand vous sortez avec votre épouse. C'est écrit par l'hebdomadaire Iwachu dans son éditorial. Les autorités veulent en découdre avec certaines pratiques immorales, notamment la prostitution et l'adultère. Elles vont à l'encontre de la dignité humaine et des valeurs burundaises. On ne peut pas les tolérer. Au journal de renchérir, qu'une police de protection des mineurs et des mœurs a été créée à cette fin. Mais il déplore que personne n'échappe à ces rafles dans des hôtels et des maisons de passage, des quartiers populaires, visités par l'hebdomadaire, vieux, adultes, jeunes. Et pour les couples mariés, seul le certificat de mariage peut vous sauver. Plus loin, la police parle de chasse aux prostituées. Le Burundi n'a de leçons à recevoir de personne, mais il a des engagements à honorer. Le journal Iwachu revient sur l'interview lui accordée par Jamal Ben Omar, le conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU en visite au Burundi du 22 au 29 octobre. Le journal lui a demandé notamment sa lecture face aux récentes mesures prises par Bujumbura, dont le retrait de la CPI et la suspension de collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme au Burundi. Pour l'envoyé spécial, cela veut surtout dire qu'il y a trop de malentendus entre le gouvernement du Burundi et la communauté internationale. C'est en effet une relation qui souffre d'un déficit de confiance qu'il va falloir traiter. L'institution de Bushingana a retrouvé sa place dans l'enseignement post-fondamental. Selon le journal La Voix de l'enseignant, le cours de formation civique et humaine de la première année post-fondamentale consacre une grande partie de sa matière du premier trimestre à l'institution de Bushinganahe. Les élèves apprendront les valeurs dans Bushinganahe, son investiture ainsi que son rôle dans la société en ce qui concerne la résolution pacifique des conflits. Les enseignants qui dispensent ce cours confirment la pertinence d'une telle formation car elle permettra aux apprenants de changer certains comportements afin de s'identifier au Bushinganahe. Pour que cela soit possible, ces enseignants demandent que cesse l'utilisation à tort et à travers du qualificatif du Bushinganahe. L'objectif poursuivi est d'une part d'inculquer les valeurs positives du Bushinganahe à la jeunesse burundaise. D'autre part, cette formation sera une occasion pour les apprenants de s'imprégner des notions essentielles des droits de l'homme, notamment le droit international humanitaire appliqué dans une situation de guerre. Revue de la presse. Vers la mise en place d'une journée du tambour, titre l'agence en ligne NetPresse. Un projet de loi en cours d'étude prévoit la mise en place d'une journée du tambour qui sera célébrée le 26 novembre de chaque année. Le directeur général de la culture indique que ce projet existe depuis 2007. C'est pour assurer la visibilité du pays sur le plan national et international, aspect visuel de la profondeur de la richesse et de la beauté du pays. Quant à l'origine de cette date du 26 novembre, NetPresse, qui reprend les propos du directeur général, écrit que c'est là où l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour la Culture, a inscrit les tambours burundais au patrimoine mondial culturel et immatériel de l'humanité. Des cas de vol et accusations de sorcellerie sont classés parmi les grandes causes d'insécurité en province de Bubanza ces derniers jours. Selon l'agence burundaise de presse, les cas de vol signalés par les administrateurs communaux sont ceux opérés dans des ménages, dans les champs et ceux du bétail. Ils sont signalés dans toutes les 5 communes que compte la province. Quant aux accusations de sorcellerie, l'agence signale un ménage qui est sous menace de mort dans la commune de Bubanza, mais aussi un vieux qui a failli être tué par des voisins dans la commune de Musigati. Le gouverneur de Bubanza demande au comité mixte de sécurité et aux administratifs d'accomplir leur rôle convenablement. Iwachu revient pour écrire sur des conjoints aux ambitions et visions différentes. Selon l'hebdomadaire, certains couples ont environ 30 ans d'écart. Un homme de 58 ans a épousé une jeune femme de 30 ans qui venait de terminer l'université. Quand je discute avec ses parents sur la politique des années 80, dit-il, je me rends compte que ma femme n'était pas encore née. Mais pour lui, cette différence d'âge ne pose point de problème à leur relation, ce sont les sentiments qui comptent. Un peu plus loin, une jeune femme est mariée à un homme de 30 ans de plus qu'elle. À en croire son témoignage, selon l'hebdomadaire, elle a été beaucoup plus attirée par l'argent. Un psychologue estime que l'écart important d'âge est un facteur de conflit au sein d'un couple marié. Génération différente, par conséquent, mentalité différente, ambition différente, comportement différent. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Léonce Vitaliho et Francine Ndiokoubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.